petite défaillance de ton super cerveau. Tu as répondu juste aux quatre questions. Désolée de t'annoncer que c'est faux. Tu te rapproches des récompenses. Ce n'est pas le cri d'un loup, mais le barissement d'un éléphant. Prêt pour la question 5? Oh non! Qui sonne maintenant à la porte? Qu'est-ce que c'est que toutes ces interruptions? On ne peut plus jouer tranquillement ici. Ok, qui est-ce? Salut 2XL, je m'appelle Rebecca. Bonjour Rebecca, que veux-tu? J'ai une blague à vous raconter à tous les deux. Mais tout le monde est au courant. Nous devons être très populaires. Raconte ta blague, Rebecca. Nous t'écoutons. Quel fruit a-t-on tous au croc de la main? Trop dur. Je donne ma langue au chat. Facile! Une pomme! Oh, merci, Rebecca. Maintenant, revenons à notre oignon. Je veux dire à nos moutons. Moutons! Question 5. Quel est ce bruit? Est-ce A, 1, des oisillons, des grillons, B, 2, des mouettes, des oisillons, ou C, 3, des grémouettes? Fais ton choix, appuie sur, et appuie 1, sur A, 2, B, ou 3. C. À toi. Les mouettes, pourquoi quelle pas, oreille. Mais en réalité, ce sont des grillons. On ne bouge plus, je vérifie ma banque mémoire. Fais une petite pause. Je reviens jouer dans un tout petit moment. Ma banque mémoire m'informe de tes résultats aux 5 questions. Alors, à la question 1, à la question 2, bien compris. Et qu'en a-t-il été pour la troisième question? Oui. Et à la 4. Bon, et pour terminer cette vérification, qu'en est-il de la question 5? Bon, puisque c'est ainsi, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Tes réponses n'ont pas toujours été bonnes, mais si tu le souhaites, tu peux rembobiner la cassette et recommencer. Sinon, nous pouvons continuer le programme. Si tu veux recommencer, appuie sur stop et sur la touche retour. Sinon, ne touche à rien. À toi. Tu as choisi de continuer. C'est très bien. Et comme tu as bien répondu à la dernière question sur les grillons, je vais te donner quelques informations sur ces charmantes petites bestioles. Sais-tu que l'on peut connaître la température extérieure en écoutant un grillon? Comment? Tu ne me crois pas? Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Tu comptes pendant 15 secondes le nombre de ces grésillements et tu ajoutes 3 au chiffre que tu as trouvé. Tu verras, c'est magique. On obtient à quelques degrés près la température qu'il fait à ce moment-là. Essaye, tu vas voir. Avant d'aller plus loin, petite vérification de ton circuit mémoire. Te rappelles-tu de ton mot de passe? Si c'est citrouille, appuie sur 1. Si c'est camembert, appuie sur 2. Appuie sur 1 ou sur 2. À toi! Tu as fait une erreur et quand tu te trompes, je me trompe aussi. Nous allons maintenant jouer à un nouveau jeu. Paroles et musique. Je vais interpréter des chansons que tu vas m'aider à composer. C'est parti! Quelle couleur préfères-tu? Tu as le choix entre 1, rouge, et 2, vert. Appuie sur 1 ou sur 2. À toi. Je vais donc t'interpréter la chanson que nous venons de créer. Écoute. Ton robot préféré a composé une chansonnette. Rien que pour toi, ça va être chouette. C'est le rouge que tu préfères, et les croix de la bonne fer. J'espère que tu as aimé ce petit air-là. Mais s'il ne te plaît pas, change-le la prochaine fois. Alors, ça t'a plu? Non? Oh!

Ma banque mémoire m'informe que tu as fait ma banque mémoire m'informe que tes réponses sont justes pour les questions 1, 2 et 3. Mais que tu n'as pas bien répondu à la question 4. Tu as répondu juste aux 4. Je suis triste. Voici donc ce que je t'avais promis. Une question rapide. Une blague extra drôle. Quel est le nom du chien de Charlie Brown? Commençons donc par la première. La un soir d'orage, de Beethoven, l'antenne et de télévision Snoopy demande au paratonnerre 1, 2, dis, ou 3, tu à crois toi au coup de foudre, toi. Seconde blague, que reçoit un âne pour ses 3 ans supersonique, tous ses amis et la bonne réponse. Tu es formidable, cette bonne réponse me le confirme. Excuse-moi, mais mon téléphone sonne. Allô? Oh, c'est Cendrillon! Ah oui? D'accord! À tout de suite, Cendrillon! C'est mon amie Cendrillon. Elle m'a dit qu'elle allait passer pour nous raconter une blague. Elle te laisse même choisir le sujet. Je pense qu'elle a envie de s'amuser un peu. Voici le nouveau jeu auquel nous allons jouer. Je te pose 3 questions à la suite. Et si toutes tes réponses sont fausses, oui, tu as bien entendu, si elles sont toutes fausses, Cendrillon viendra te raconter son histoire drôle. Sinon, elle ne s'amusera pas avec nous. Question 1. Je vais te jouer une chanson et tu vas devoir deviner son titre. Si tu veux que je la joue au piano, appuie sur la touche 1. Si tu veux que je la siffle, appuie sur la touche 2. Si tu veux que je te la chantonne, appuie sur la touche 3. Et si tu veux que je la joue au piano et que je la siffle en même temps, choisis alors la touche 4. Fais ton choix et appuie sur l'une de mes jolies touches. À toi. Voici ton choix. Je sais que tu as apprécié mes talents de musicien. Une chèvre invite à mon prochain concert. Bon. Alors, quel est le titre de cette chanson? N'oublie pas, tu dois trouver la mauvaise réponse cette fois. Je te donne 4 titres. À toi de choisir. 1. Sous le pont d'Avignon, 2. Frère Jacques, 3. J'ai du bon tabac et 4. Sur le pont d'Avignon. Appuie sur une de ces touches. À toi. Bravo, ta réponse est fausse. Ta réponse est bonne. Cette chanson s'intitule sur le pont d'Avignon. Question 2. Question 2. Les on humains va jouer ont à des vraies ou pour toucher et pour les sentir. Les humains se servent de leur nez pour sentir. Un, leur et les queue chats ou utilisent deux, leur moustache. Alors, appuie sur un, vrai ou deux. Sur faux. À toi. Bravo. Mauvaise nouvelle. Ta réponse est mauvaise. Ta réponse et c'est génial. Était fausse. Les chats donc, utilisent excellente leur moustache pour notre jeu. Pour toucher. Mais à la et deux, sentir. Tu as répondu juste. Sur notre lancée, oh, nous allons continuer. Dommage. Question 3. Pour retrouver vrai sa route dans la forêt, le petit pousset a semé des billes sur sa route. Ou deux, pour retrouver des cailloux son chemin, appuie sur la appuie touche sur un, vrai ou sur la touche sur deux. À toi. À toi. Tu ne trouves pas que je fais des bruits bizarres? Ne touche à rien, je vais me soigner. Ah, ça va mieux. On va pouvoir continuer. Bravo, tu es génial. Tu as mal répondu bien et c'est ce qu'il me fallait faire. Une mauvaise bon réponse. Je contrôle ma banque mémoire. Je te demande un tout petit instant de patience. Ma banque mémoire m'informe de tes réponses pour sur le pont d'Avignon et pour ce vrai ou faux sur les chats et leurs moustaches. Certaines de tes réponses étaient de bonnes réponses, alors qu'il ne me fallait que des mauvaises réponses. Oh, comme c'est dommage. Ah, voilà Cendrillon, quelqu'un qui se rapproche. Oui, c'est je bien elle. Voir. On va voir ce qu'elle pense c'est bien de Cendrillon. Ah, Cendrillon. Entre, je t'en prie. Bonjour, 2XL. Je voudrais bien vous raconter à tous les deux une histoire drôle. Oh, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Cendrillon. Tu ne peux pas entrer. Je suis désolée. Peut-être la prochaine fois. Comme je suis triste, mais je sens que ça va s'arranger. Alors je vais attendre. Merci de ta patience, cher Cendrillon. Dis donc, mon ange, sois gentil. Est-ce que par hasard, tu pourrais me rendre un petit peu de service? Mais il faudrait que tu appuies sans tarder sur la touche 4. M'occupe à toi. Merci pour ton aide. S'il te plaît, raconte-nous ta blague sur le prisonnier. Je viens de partir et il y a encore quelqu'un qui sonne. Qui est-ce? Est-ce que tu as pris une douche? Alors là, ça, comme me dirait un de mes amis photographes, c'est le flou artistique. Ah oui! Je ne vois pas. Ok, raconte-nous ta blague. C'est facile, voyons. Le prisonnier lui répond. Pourquoi je donne ma langue au chat. Il m'en manque une. Merci, Cendrillon. Et au revoir. À bientôt, Bobby. Comme elle est gentille, cette Cendrillon. Revenons à nos questions. Sache qu'il faut maintenant y répondre correctement. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-bip? Quel est le bip? Archi... sèche, 2 propre, 3 mouillé ou 4 sale. Appuie sur 1, 2, 3 ou 4. À toi. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-mouillées? Amusant. Bien vu, mais en fait, la bonne réponse exacte est archi-sèche. Pour information, archiduchesse est le titre que l'on donnait aux filles et aux sœurs de l'empereur d'Autriche. Quel est le titre de cette chanson? Je ne peux pas y résister, j'aime trop chanter. Veux-tu une indication? Si tu veux de l'aide, appuie sur oui. Sinon, appuie sur non. À toi. Tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Sois plus attentif la prochaine fois. Voici tes 4 choix. 1. Au clair de la lune. 2. Meunier, tu dors. 3. À la claire fontaine. Ou 4. Maman, les petits bateaux. Appuie sur une des touches. À toi. Tu dois être mélomane, toi. En effet, c'est bien à la claire fontaine. La réponse est fausse. Il existe des concours à la télé. Tu devrais peut-être y participer. Tu es si cultivé. Pour les 3 prochaines questions, ça va être un peu plus compliqué. Si tes réponses sont bonnes, je te poserai une question plus difficile. Par contre, si tu ne réponds pas correctement, la question suivante sera plus simple. Choisis le sujet de la première question. 1. Les chansons. 2. La peinture. 3. L'argent. Ou 4. Les sciences. Enfonce gentiment l'une des touches. À toi. L'argent, c'est parti. Qu'est-ce qui est gravé sur une pièce de la plus sainte partie du globe terrestre? La carte de France, les arbres, la semeuse, ou la poussière, la statue de la liberté, l'eau. Réfléchis bien et appuie sur A, et appuie sur B, 1, 2 ou C. 3. À toi. Tu réfléchis si fort que je vois de la fumée sortir de ta mauvaise touche. Et cette source lumineuse est d'une telle intensité. Désolé. Bravo! Bonne réponse! Comme prévu, cette question est plus difficile. Dans le poème, dans le la semaine. blanche neige à manger. Comment un va fruit. Bip. Lequel? Qu'est-ce qu'il y a à la a, place d'une banane? Un mardi, B, une fraise, dimanche, ou c'est samedi. Une pomme. Appuie sur, appuie un, sur A, deux, B, 3. Pour toi, je chantonne, ta réponse n'est pas la bonne. Oh, quel dommage. Ah, question numéro 3. Elle est plus facile, ma foi. Réponse, je crois. Donne-moi la réponse. Voici la nouvelle et question. Surprise, dure, je te donnerai une autre chanson. De tortue. Tu es prêt? Que peut quel animal m'affaire ou tard dans la soirée? Quelque chose un, le c'est la question la plus facile la du monde. Un arc-en-ciel ou un chat l'équateur. Ou deux. Un chien appuie sur appuie sur un deux, ou sur trois, deux ou quatre. À toi. À toi. Mauvaise nouvelle à te donner, ta réponse est erronée, mais on ne va quand même pas pleurer, tu es surtout là pour t'amuser. Il est temps de se faire une petite pause de gymnastique. Mets-toi debout, fais sans forcer les mouvements que je vais t'indiquer. Détends-toi et appuie quand tu veux sur l'une des touches de ton choix. Il y a quatre chansons différentes sur chacune de mes touches-réponses. Maestro, musique, s'il vous plaît. Secoue ta main gauche. Allez, vas-y, fais bouger tes doigts. Secoue ta main droite. Fais bouger tes doigts. Secoue ton pied gauche. Et fais bouger tes orteils. Secoue ton pied droit. Et encore, vas-y, fais bouger tes orteils. Secoue les deux pieds. Les deux pieds en l'air, naturellement. Attention, tu ne peux pas le faire debout. Sors ta langue à gauche. Sors ta langue à droite. Sors ta langue vers le haut. Sors ta langue vers le bas. Encore une fois, à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. Bien. Ah, tu dois te sentir plus détendu après ces petits mouvements, hein? Maintenant, tu vas m'aider à écrire un poème. Choisis le thème. A. Toi et des kangourous qui sautent partout. B. Des ours, des oursons et le zoo. Ou C. Des oiseaux, des arbres et des nids. Appuie sur A, B ou C. À toi. Tu as choisi les ours et les oursons, les arbres. Allons-y, allons-y. Alors, c'est parti, dis mon kiki. Dans les eaux et les forêts, tous les oiseaux dans le ciel. Et ils sont beaucoup plus grands que ton nounou t'attire d'elle. Les pandas sont des petits ours blancs, les oiseaux font leur nid. Et les grizzlies sont sombres, ils préfèrent passer la nuit. Les ours polaires toutes les vivent dans la neige et la glace. Les forts en Australie et leurs jolies koalas ont trouvé leur jamais uniforme. Les ours, tout comme nous, attendent. Très grands. Certains préfèrent chasser et d'autres nager. On appelle les petits ours les ours la terre. Ils ont le poil frisé. Ils sont la mer. J'espère que tu t'es amusé de mes petits couplets. Si tu veux, il y en a plein d'autres à écouter. Tu vois, ton robot préféré est aussi un poète. Être avec toi, c'est si chouette. Un peu de sérieux. Je suis curieux de savoir si tu te souviens de ton mot de passe. Tu l'as entendu au début du programme. Est-ce 1, camembert ou 2, citrouille? Appuie sur 1 ou sur 2. À toi. Tu te trompes, et du coup, je me trompe aussi. Tu es sans doute un peu fatigué, mais suis mes instructions, d'accord? C'est toi qui choisis le sujet de notre dernière question. Si tu veux une question sur les vélos, appuie sur la touche 1. Sur les animaux domestiques, appuie sur 2. À toi.